Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, en début d'émission, j'aimerais souligner que Terra Incognita fête ses 20 ans. Eh oui, 20 ans! Je suis un peu comme le premier surpris de cet anniversaire, ça a passé comme... Mais je pense qu'on peut être vraiment fier du bilan de l'émission. En fait, 20 ans d'émission et 16 années de festival, je pense, Marc, qu'on a de quoi... on peut être fier. Oui, en effet, comme tu le dis, on a débuté en 2004... Toi et moi, Michel, et s'est joint à l'équipe Bruno Côté, qui a été avec nous pendant 15 ans sur la mise en onde et qui vous a proposé à plusieurs occasions ses sélections musicales. Et également Jean-François Lamar, qui a participé pendant 10 ans. Et il participe maintenant à l'émission qui nous précède, Les Illusions auditives. Alors, c'est tout un bilan, effectivement, et on est très heureux d'être encore avec vous pour vous partager ces nouveautés dans le rock progressif. D'ailleurs, ce soir, on aura un deuxième extrait du nouvel album de The Chronicle of Father Robin, une formation scandinave qui présenteront bientôt le second chapitre de leur trilogie The Songs and Tales of Eroa avec la pièce Ocean Traveler. On aura également la nouveauté de Galahad qui ont fait paraître leur nouvel album la semaine dernière intitulé The Long Goodbye. Cette formation qui a été fondée dans le Dorset en 1985 vient de présenter donc leur 16e album en carrière, si on compte les trois albums qui sont parus sous le nom de Galahad Electric Company. Et pour la suite, Michel, on demeure au Royaume-Uni. Oui, on aura un extrait du nouvel album du David Cross Band. Évidemment, c'est le groupe du violoniste David Cross, ex-membre de King Crimson. On remarque la présence de David Jackson de Van der Graaf sur ce disque qui a pour titre Eyes Blue, Silver Sky. Je vous disais il y a quelques secondes que c'est un ex-membre de King Crimson. Eh bien, il en profite cet album pour revisiter deux pièces de King Crimson, c'est-à-dire Starless et Exiles. Et puis d'Italie, une nouveauté du groupe Ancient Veil, qui est constitué d'anciens membres de Eris Pluvia. Et c'est un troisième album studio et le titre c'est Puere Ternus. Et on aura la pièce La Cula Troppo. Mais avant tout, on y va avec le second extrait du tout nouvel album de The Chronicles of Father Robin. C'est Norvégien qui nous propose une trilogie en quelques mois. L'album a pour titre The Songs and Tales of Eoria, Book 2, Ocean Traveler, Metamorphosis. Et on va écouter la pièce Ocean Traveler. Thank you. Hi there, this is Stu Nicholson from Galahad, and I'd just like to wish the Terra Incognita radio show a very, very happy 20th anniversary. Yes, 20 years. Time flies when you're having fun. Well done, guys. It can change your life, it can change your life. thinking of what is best, but instead it all goes wrong, leaving an unholy mess. Actions mean consequences. Sometimes there's no turning back. Played unassuming envelope, left on the mantelpiece. Innocuous enough, or so it would seem. But in the hands of the wrong person, it'll tear you apart. It'll shatter all your dreams. It can change. World is full of wonder. Break down and let it take you under. Come again. Come again. When the day breaks, pause and open your eyes. Break down and here come the light rise. Come again. Come again. Come again. When you feel imagination. Come again. Come again. When you feel that you are the defender, break down the open to surrender. Come again. Come again. Présentement Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau, et on est avec vous jusqu'à 23h. Thank you. De retour à Terra Incognita, on poursuit avec un groupe californien qui a pour nom Mondo Drag. La semaine dernière, on vous a présenté un extrait du nouvel album Through the Hourglass. Et on a un second extrait à vous présenter ce soir. Ce sera la pièce Passages. Et puis de Suède, le claviériste John Lundmyr. Et son album, un extrait de son album Aftonland, c'est le second album de ce claviériste et c'est le second qu'il lance cette année. Le premier est paru en mai dernier sous le titre de Restore. Et puis Marc, après je pense qu'on se dirige du côté du Royaume-Uni. Oui, en effet, avec la formation Mother Black Cap, qui a été fondé à Norfolk en 2004. Et on aura pour vous ce soir un second extrait de leur nouvel album qui a pour titre Caveman TV et qui est paru le 18 septembre. Et ce sera pour vous la pièce Norfolk. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on y va avec la formation californienne Mondo Drag. say goodbye. Spread your wings, it's time to fly. Leave this place, childhood home. Learn to live life on your own. Heed the signs that you've been told. Not so young, not so old. The world is there, palm up your hands. Live your life, make a stand. The world is waiting, yours for the taking. New chapter starting. Welcome to the speakers, welcome to the greatest stage. You can get 'cause there's nowhere to go. Don't try to depart. It's a graveyard of ambition. It's a graveyard of ambition. It's a graveyard. Retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres deux formations italiennes, Quel che dice il tuono, tiré de leur premier et seul album réalisé en 2020, Il velo dei riflessi. On aura la pièce Il bastone e il serpente, une formation qu'on a eu la chance de voir cette année dans le cadre du festival Terra Incognita. On aura également la formation Nathan, qui est composée de musiciens qui jouent ensemble depuis les années 70 et qui n'ont indiqué que dans les années 2000. Alors ici, ce sera un extrait de leur plus récent album, Uomini di Sabbia, paru en 2022. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va avec un duo de la Norvège. Oui, on parle de Jorsch, un groupe qui vient de lancer, il n'y a pas si longtemps, un nouvel album qui a pour titre Saliette. Et incidemment, un des membres de ce duo fait aussi partie de la formation norvégienne The Chronicles of Father Robin, qui nous ont présenté deux albums coup sur coup cette année. Et il y en a un troisième qui s'en vient au début de 2024. Allons-y donc avec Jorsch. Thank you. everybody, I'm Francesca. And Nicolò. From Quel che disse il tuono. And the Lost Vision of the Chandu Priest. We are very happy to be here and celebrate with you the 20th anniversary of Terra Incognita Radio Station. So happy birthday, Terra Incognita. Ciao. Ciao. Thank you. ritmo solenne ed imperfetto. Io sono eterno. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation Big Big Train du Royaume-Uni qui faisait paraître en 2017 leur 11e album en carrière intitulé Grim's Pond. C'était le 6e avec la participation de l'excellent chanteur David Langdon. Alors, on aura pour vous la pièce Med Hall in Winter. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation norvégienne. Oui, un groupe qu'on apprécie beaucoup, toi et moi, Professor Tip Top. Un groupe qu'on était supposé voir à l'œuvre dans le cadre du festival Terra Incognita, mais malheureusement, le décès de son leader, Sam Fosbach, a évidemment mis un terme à ce projet. Mais heureusement, il nous reste les disques et on va écouter ce soir un extrait de l'album Hybrid Hymns. Religious then. Yeah. conclure l'émission ce soir, on a retenu une pièce d'une formation américaine, en fait du Maryland pour être plus précis, qui a pour nom Deluge Grandeur, une formation qui a 5 albums à sa feuille de route. On va voir un extrait du 4e qui a pour titre Oceanarium et qui est paru en 2017. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour encore un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.